Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'il se détourne, le messager n'est alors responsable que de ceux dont il est chargé. Et vous assumez ceux dont vous êtes chargé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message.